une réalité. Tout le monde connaît ça, des mensonges? Non. Non. Non. OK. Alors, ce qu'on parle de mensonge cosmique, c'est une notion qui semble être un peu abstraite, mais qui nous concerne tous, tous les jours, à tous les instants. On dit que l'homme vit dans l'illusion. En tout cas, lorsqu'on parle de mort, ou lorsqu'on parle de vie, lorsqu'on parle d'orgueil, de guerre, lorsqu'on parle de jalousie, ça fait partie des phénomènes des mensonges cosmiques. Invitons Daniel, sans plus tarder, pour nous parler de ce fameux « Démolissons le mensonge cosmique ». C'est qu'il n'y a pas de mensonge. Et si il n'y a pas de mensonge, c'est que le premier mensonge ne peut pas être autre chose qu'une réalité. Et cela fait partie justement de l'illusion de la pensée de l'homme, lorsque l'homme essaie de comprendre les choses à partir de sa vision polarisée, le bien et le mal, le loin et le proche, le haut et le bas, le bon et le mauvais, le grand et le petit, nécessairement, il arrive toujours à des formes de conclusions qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne sont applicables que dans son monde de vérité, un monde de relativité, un monde qui, en fin de compte, ne s'adresse qu'à lui, et même si ce monde ne s'adresse qu'à lui, l'homme essaie quand même de l'appliquer à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il essaie continuellement, non pas de rechercher la vérité, l'humain ne recherche pas la vérité, l'humain essaie d'appliquer sa vérité à la réalité. Et lorsque l'humain trouve une vérité applicable à la réalité, il dit « j'ai trouvé la vérité ». Mais l'être humain ne trouve pas de vérité, l'être humain a sa vérité. Chaque humain a sa vérité. Alors, dans une forme de vérité, on sait que l'être humain se réincarne dans différents cycles de vie appelés yuga, et il va vivre d'octave en octave une évolution ascendante et descendante de l'âge d'or à l'âge de fer. Dans un autre schéma de vérité, l'être humain vit. Il a le libre-arbitre entre le bien et le mal. Lorsqu'il meurt, il va soit en enfer, soit au purgatoire pour finalement attendre au ciel. Et un jour, il vivra une résurrection. Et il sera à la droite du Père pour l'éternité. Dans d'autres vérités, eh bien, on doit absolument empêcher le corps physique de disparaître. Alors, on invente la momification. Que ce soit une réalité égyptienne, maya, inca, etc. Dans d'autres formes de réalité, eh bien, des réalités plus neuves, une partie de la peau, une partie du code génétique peut être amenée sur une planète quelconque. Et lorsque le corps physique meurt, on recrée un corps pareil quelque part dans l'univers. Et la vie continue. La vie de l'être humain. Alors, ce qui fait que finalement, l'être humain ne recherche pas une vérité. L'être humain de sa propre conscience, est convaincu qu'il a une vérité. Sauf que cette vérité ne s'applique pas, ou rarement, à la réalité, à l'extérieur, aux conditions de vie. Alors, lorsque l'être humain vit que sa vérité n'est pas applicable, il conteste toutes les vérités extérieures, c'est-à-dire qu'il conteste l'univers, il conteste la réalité même, ou bien il finit par essayer de quêter, de quémander une vérité quelconque quelque part, dans une théologie, une secte, un cartésianisme particulier, il recherche une vérité qui finalement pourra s'appliquer. Alors, si on a une vérité, l'homme ne doit pas être malade, eh bien, c'est génial. Lorsque tu commences à être malade, ta vérité n'est plus applicable à la réalité. Alors, tu vas vouloir forcer la réalité à changer. Si ton corps continue à être malade, tu vas rechercher une vérité qui va te dire, Dieu veut te rendre malade pour te rendre humble. Ah, alors là, tu maintenant la maladie, tu ne la contestes plus, tu changes de vérité pour cette vérité plus véridique. Mais en réalité, tu n'as fait que transposer ta vérité pour qu'elle soit un peu plus adaptable à la réalité. Et tout cela fait partie du mensonge cosmique, c'est-à-dire cela fait partie de l'ignorance de l'homme. Cela fait partie de toute la mécanicité qui gère la quête de l'évolution de l'humanité, de toute la mécanicité qui gère l'avancement des humanités, et de toute la mécanicité qui gère les souffrances, les peurs, les hontes, les culpabilités, les mémoires, les gènes, les suicides, les naissances, les maladies, les vies, les guerres, tout. Alors le mensonge cosmique, c'est simplement des raisons données à l'homme pour que l'homme se ferme la gueule, pour que l'homme accepte de souffrir malgré qu'il n'a pas à souffrir, pour que l'homme accepte de vivre dans des conditions très limitatives alors que l'être humain est un être beaucoup plus expansif. Et le mensonge cosmique, c'est donc la raison d'être de l'humanité, c'est-à-dire qu'on prend l'humanité, on l'obnubile de sa conscience et on lui donne une possibilité d'arriver à conserver son illusion, à rester assujetti à un monde de mensonges, et cela va porter le nom de vérité. Parce que la vérité, c'est une coloration de la réalité. Le mensonge, c'est une coloration de la vérité. Alors même si le mensonge est une coloration, la vérité n'est pas meilleure, car elle est aussi une coloration. Certains vont dire, oui, mais en vérité, on ne doit pas tuer. Mais si un animal t'attaque, tu pourras le tuer. C'est pas pareil. La vérité change. Si l'animal est un être humain et qu'il t'attaque, ou qu'il attaque ta famille, ou qu'il attaque tes enfants, eh bien, à un moment donné, tu te défends et tu le tues, ce n'est pas pareil. Et si tu te laisses tuer pour ne pas tuer, ben, tu aurais pu aussi bien te suicider. Ça aurait donné le même résultat. Et on va dire encore une fois que ce n'est pas pareil, mais en réalité, effectivement, cette vérité, elle est bonne tant qu'il y a la paix, mais elle doit être interdite en temps de guerre. Tu ne peux pas promulguer une vérité, tu ne dois pas tuer les autres en temps de guerre. Sauf, évidemment, si la guerre ne se passe pas dans votre cour. C'est un peu comme de dire qu'on doit, non, ne doit pas être raciste dans un quartier de la ville où il n'y a que des blancs. C'est facile à dire. Sauf qu'à un moment donné, si lentement les maisons se vendent, ce sont des Italiens, des Grecs et des Noirs qui achètent autour de vous, bien, à un moment donné, vous vous ramassez tout seul entouré d'importés. Et puis là, il ne faut pas être raciste, mais il ne faut pas non plus virer fou, tu sais. Il aurait pu rester dans notre pays, tu sais, un ou deux de temps en temps, ça marche. La vérité vient de changer. Pourquoi? Parce que la vérité ne s'applique plus à la réalité. Alors l'humain change de vérité. Tu pries un Dieu catholique, s'il ne te donne pas ce que tu veux, tu vas aller chercher voir si le Dieu Jéhovah va t'aider mieux. Ou le Dieu des Mormons va pouvoir mieux t'aider. Tu magasines tes dieux lorsque les dieux ne te donnent plus satisfaction. La vérité change au fur et à mesure de l'adaptation, de l'obligation d'adaptation de l'humain à la réalité. Alors le mensonge cosmique, le premier, le plus grand, le plus important, le pire, le plus vache, le plus salaud des mensonges, c'est lorsque l'intelligence a donné la conscience à l'homme, et lorsqu'il a implanté dans cette conscience l'idée que l'homme avait la faculté de penser. Ça a été le plus gros mensonge cosmique donné à l'humanité. Que tous les problèmes viennent de cette mécanicité. On pense, donc, on s'attribue tout. C'est que l'homme ne pense pas. En réalité. Exactement. Mais l'homme pense penser. Et à partir de cette certitude qu'il a que c'est lui qui pense, il vit tout à fait déconnecté de la réalité, déconnecté de l'intelligence instantanée, déconnecté d'un savoir intelligent, d'une intelligence active, et il reste tributaire des mémoires, de l'expérience. Mais on sait que les mémoires se tarissent avec le temps, donc il reste tributaire d'une expérience tarie. Il reste tributaire de l'émotion, il reste tributaire de la nostalgie, il reste tributaire des peurs, il reste tributaire de toutes ces choses qui ont été, qui ne sont plus et qui ne pourront pas être. Et l'homme vit de plus en plus avec le neuf, supporté par le vieux. Il appelle cela la sagesse, il appelle cela de l'intelligence absurde, c'est-à-dire que s'il ne l'a pas en mémoire, il ne l'a pas en intelligence, donc ce n'est pas de l'intelligence, c'est une intelligence passive, elle dépend des mémoires. L'homme est convaincu qu'il pense. Les pouvoirs de la pensée... Ah, la pensée a d'énormes pouvoirs. Il y a des pouvoirs de la pensée. On a écrit plusieurs livres sur les pouvoirs de l'esprit, les pouvoirs de la pensée, les phénomènes du conscient, etc. La pensée a une puissance, un pouvoir extraordinaire sur l'homme, celle de l'écraser. Et là, ça arrête le pouvoir de la pensée, écraser l'humain. Mais on parle aussi de conditionnement. Qu'est-ce que c'est que le conditionnement, sinon te donner une façon de penser? Qu'est-ce que l'éducation, sinon te donner une façon de penser? Alors on va te montrer qu'est-ce qui est beau. On va te montrer à apprécier les bonnes choses de la vie, c'est-à-dire ceux que tu trouves bonnes. On va te montrer qu'est-ce qui est laid, ce que tu n'aimes pas toi. Et selon les contextes d'éducation, selon les pays, selon les nations, selon les religions, selon les sociétés, eh bien, on aura des humains qui penseront différemment. Mais la pensée, un grec va dire, un grec de l'époque de, disons, l'époque pré-nazaréenne, qu'est-ce que le grec va dire? Le grec va dire qu'il n'y a qu'Athènes ou il n'y a que Sparte, de vrai. Et il va dire, et si quelqu'un lui dit, tu es programmé, c'est pas toi qui penses ça. Il va répondre, ben oui, non, non, c'est moi qui pense ça. Je suis pas un fou. Je vis à Sparte. Je connais les Spartiates et je sais que c'est la plus grande race de l'humanité, de cette terre plate. Et là, on va dire, ben oui, mais c'est pas toi qui penses. Si tu serais né à Alexandrie, tu dirais que c'est l'Égypte qui est la plus grande nation. Alors, le Spartiate va dire, ben ouais, non, l'Égypte, ça vaut rien. Envoie 20 Égyptiens contre un Spartiate, puis les 20 Égyptiens vont mourir. Parce qu'il est né à Sparte. Mais jamais il ne pourra accepter ce que tu dis, que ce n'est pas lui qui pense, mais qu'il y a un égrégore national, un égrégore théologico-psychologico-socio-national qui pense dans sa tête. Et lui, il est convaincu que c'est lui qui pense. Le mensonge cosmique, la pensée descend chez l'homme de cette façon. J'ai déjà expliqué, je répète. Vous êtes assis et vous vous dites... Enfin, vous vous dites... On ne peut pas se dire, hein? On se fait dire. On se fait dire qu'on pense qu'on se dit. Mais imaginez-vous bien. Si vous vous le dites, c'est que vous le savez. Et si vous le savez, vous n'avez pas besoin de vous le dire. Alors, si vous vous le dites, c'est que vous ne le saviez pas. Donc, ce n'est pas vous qui vous le dites. On vous le dit. Mais là, on vous le dit comme ceci. On ne vous dit pas, lève-toi. On vous dit, tiens, je vais me lever. Et étant donné que l'humain est convaincu que c'est lui qui pense, ben si ça lui dit, tiens, je vais me lever, orgueilleux comme il est pas fou. Il vient de dire qu'il se lèverait, alors il se lève. c'est évident. Alors on va nous dire, tiens, as-tu vu comment qu'elle est belle, cette fille-là? Wow, j'ai envie de la... Non, le gars, rien, absolument rien. Non, non, ça pense dans sa tête avec le mot « je ». À un moment donné, une personne va dire, oui, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ben, quand ça t'a pris, c'était je qui pensais. En réalité, c'était ce phénomène égrégorien, ce phénomène astral, cette grande puissance du mensonge cosmique, qui à l'intérieur de la conscience de l'homme, innove la pensée, et cette pensée, il la prononce en je et en moi. Étant donné que l'homme est assujetti à de l'orgueil et à une identification suprême dans l'âme, l'ego, il est convaincu qu'il a une personnalité individuelle. Lorsqu'on vient le flatter avec le « je » ou le « moi », alors il s'exécute sans problème. Je te dis « casse-la vite », tu vas dire « non ». Je te dis que tu es un pissou. Alors là, tu vas décider de casser la vitre pour me prouver que tu n'es pas un pissou. Mais en réalité, c'est moi que par un cheminement particulier, j'ai réussi à penser dans ta tête. Au lieu de penser « casse la vitre », j'ai fait réussir à penser dans ta tête « je vais casser la vitre ». C'est tout. Alors, « je vais casser la vitre », il se lève, il prend la roche, puis il casse la vitre. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme pense, lui est donné dans sa tête, ce n'est pas lui qui pense. Lorsque l'humain vient dire « si je ne pense pas, je meurs », c'est faux. Lorsque l'humain est pris de panique, il ne pense pas. On pense encore dans sa tête, mais dans un état de conscience plus bas. Lorsque l'humain est dans une extase sexuelle, il ne pense pas. À l'instant où il pense, l'extase est finie. Lorsque l'humain est en train d'écouter de la musique, il part complètement. Il ne pense plus. Il vit toujours. Lorsque l'humain est en prière intensive ou en méditation intensive, il ne pense plus. Et il vit toujours. Toute l'étymologie, toutes les sciences évolutives de l'homme ont inventé le koan, le mantra, les rituels de prière où on répète inlassablement les mêmes choses, jusqu'au moulin à prière tibétain, où le bruit tchak-tchak-tchak-tchak-tchak-tchak qui prie pour toi parce que tu peux rester pour prier, finit par omnibuler ta conscience, et finalement, dans cet état, l'homme exécute un événement, mais ne pense plus. Alors le zen, le zazen, la méditation assise, tu t'assois, tu contemples un écran noir, et finalement, tu te laisses engloutir par l'écran noir, il n'y a plus rien, il n'y a que le vide. Et dans le vide, tu retrouveras l'éternité. Mais tu n'en auras pas conscience. Ça va de soi. À l'instant où l'humain a conscience, il regarde la télévision, il n'est plus dans la télévision. À l'instant où vous êtes conscient qu'un Dieu existe devant vous, c'est que vous vous êtes rejeté de ce Dieu pour pouvoir le contempler. Donc, à l'instant où vous concevez Dieu, vous n'êtes plus Dieu. À l'instant où vous observez un événement, vous n'en faites plus partie. Et la pensée de l'homme, c'est justement le rituel mémoriel qui permet à l'humain de se sortir d'une réalité événementielle pour l'observer comme un observateur, de façon à avoir émotivement l'illusion de conscience qu'il vit l'événement, alors qu'en réalité, il n'est plus dedans pendant tout, il vit la mémoire de l'événement. Alors, la merde, le gros problème, c'est le mensonge majeur au niveau du plan cosmique de l'homme. Bon, je vais en énumérer quelques-uns, je vais essayer ces nouveaux vers. L'homme n'a pas de libre arbitre. Il est totalement assujetti à un écosystème d'évolution et cet écosystème va être paramétré par chacun des humains qui vit, par toute la chimie, les structures atomiques et tous les événements de notre planète, ainsi que les conditions événementielles extraterrestres, les manipulations marémotrices des autres planètes, ainsi que de nos lunes et du soleil, et la pénétration de rayons cosmiques, qui s'est toujours fait et qui se fait encore de plus en plus dense, surtout au niveau supramental maintenant. L'homme n'a pas de libre arbitre. Mensonge cosmique, l'homme a un libre arbitre. Il peut différencier le bien et le mal. Réalité cosmique, il le peut après l'avoir fait, il ne le peut pas avant. Mensonge cosmique, il le peut avant. Mensonge cosmique, l'homme est différencié de l'animal parce que l'homme pense. Effectivement, l'animal ne pense pas. Sauf que ce n'est pas ce qui différencie l'homme de l'animal, parce que l'animal, on peut le faire penser. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la faculté qu'aura l'homme, et qu'a l'homme de temps en temps, d'avoir accès à un savoir instantané, donc de savoir instantanément une chose, sans l'avoir appris ou pas auparavant, et il ne saura que ce qu'il aura besoin de savoir lorsque celle-ci sera nécessaire. Mensonge cosmique, l'homme pense. Réalité cosmique, l'homme pense qu'il pense. Mensonge cosmique, l'homme doit apprendre à contrôler sa pensée. Réalité cosmique, l'homme doit se désassujettir de ce qui le manipule par la pensée. On veut dormir, ça pense dans nos têtes. On ne contrôle pas. On veut oublier quelque chose, ça pense dans nos têtes. On ne contrôle pas. Continuellement, on est mal pris avec notre pensée. Vous haïssez quelqu'un, c'est que vous ne faites que penser noir sur lui. Donc, on pense dans votre tête de façon à vous accréditer les mauvaises choses de l'autre. Vous avez peur, ça pense dans votre tête, et ça arrive, ça dit ceci. Je sais pas si je devrais y aller, merde, d'un coup qu'il arrive ceci. Ça pense dans vos têtes, et ça énumère tout ce qu'il faut pour vous empêcher d'être efficace. Vous avez le désir de quelque chose. Ah, maudit, ça serait le fun si je l'aurais. Ça pense dans vos têtes encore une fois, et ça continue à vous obnubiler. Qui pense? différentes formes de phénomènes mémoriels qui pensent. Le problème, répondre à cette question est facile, comprendre la réponse est peut-être un peu plus compliqué, pour la simple raison que celui qui comprend la réponse doit la comprendre au travers de sa pensée, parce que si je dis que c'est Satan, si je dis que c'est Lucifer, si je dis que c'est les forces du diable, si je dis que ce sont les forces d'évolution, les forces reliées à l'Agartha, à Shambhala, eh bien l'humain ne pourra pas faire autrement que de cheminer dans une pensée pendant que je réponds ceci, et il colorera, c'est-à-dire qu'on l'obligera à comprendre ce qu'on voudra bien qu'il comprenne, et non pas ce qui est. Qui pense? L'être humain est manipulé, même s'il n'y a pas de manipulateur. C'est-à-dire qu'il y a une force manipulatrice, mais elle ne peut pas être personnifiée. Alors, l'être humain pense continuellement que les choses sont comme lui les voit et comme lui est construit. Dieu n'a pas de jambes, n'a pas de mains, n'a pas de tête, n'a pas de couleur, n'a pas de peau, n'a pas d'estomac, n'a pas de narine, n'a pas de corps. Donc, Dieu n'est pas là. Donc, Dieu n'existe pas, c'est-à-dire que Dieu n'est pas assujetti à l'évolution illusoire du temps et de l'espace. Son influence se fait sentir dans les mondes existentiels, même si Dieu est dans un état actuel, non existentiel et encore moins expérientiel. Sauf que pour que l'homme puisse arriver à saisir dans son illusion de pensée quelque chose comme un Dieu, eh bien, il le personnifie, il le crée avec un corps, une barbe, quelque chose. S'il ne veut pas lui faire de jambe ou de sexe, bien, il lui met une grande robe. Ça, je ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous, puis c'est correct. Bon. Qui pense? Tout ce qui est événementiel, tout ce qui se passe sur la planète depuis le début des temps, c'est-à-dire lorsque la Terre était fugace, c'était il y avait beaucoup de chaleur, c'était du feu. Elle s'est densifiée lentement et cette mémoire, cette densification, cet événement, a été enregistrée dans les schémas subatomiques des constituants même de la planète Terre, à l'époque de l'hydrogène, surtout de l'azote, quelques acides aminés par la suite, mélangés avec du carbone et un peu de courant électrique. Et lorsque cela apparaît lentement, cela engendre une mémoire qui, dans les archétypes cosmiques, va venir instruire l'humain qu'il existe quelque part dans son univers, dans l'univers de l'homme, un endroit où il y a des feux éternels, des feux qui peuvent faire fondre n'importe quoi, ce que l'être humain va appeler l'enfer. Mais l'enfer, on y est de moins en moins assujetti, parce que la mémoire qui date de près de 4,5 milliards d'années, la mémoire de cette densification planétaire, est de plus en plus altérée et diffuse, donc l'être humain de moins en moins accès à ce concept archétypal de l'enfer infernal, c'est-à-dire du feu infernal. Ces événements mémorisés finissent par devenir une substance mémorielle et lorsque l'être humain devient, lorsque l'homme a accès à une conscience amique, ça commence dans les mûries, donc lorsque l'homme maintenant a une âme, c'est-à-dire lorsque l'homme a un récipient chérubinique, un récipient séraphique, un récipient énergétique qui lui permet de conserver sa mémoire propre, la mémoire de sa vie, de son existence chronologique dans un corps particulier, il entre en correspondance avec les mémoires planétaires et nécessairement il commence à vivre ce phénomène de la pensée. Satan est la particularité la plus basse, elle commence au niveau des plans moraux, des plans mémoriels moraux, sociaux, et elle descend lentement vers les plans que nous allons appeler les bas fonds de nos sociétés, c'est-à-dire ça pourra être la mémoire de viol, de meurtre, de guerre, de rixe, de chicane, de colère, de jalousie. Mais comment tous ces phénomènes peuvent vraiment rentrer en contact avec nous? S'ils rentrent en contact avec nous, c'est parce qu'on peut. On est absolument sans contrôle sur la manifestation de ces mémoires-là. Mais pour que cette mémoire-là, plutôt qu'une autre, se manifeste... Justement, il n'y a pas de mémoire plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que la majorité des humains font des coqs à l'âne. C'est-à-dire qu'ils vont parler de quelque chose, ils ne peuvent pas arriver à suivre pendant 2 heures ou 3 heures de temps parler d'un sujet, parler de la vitesse du vent à travers les barreaux de chaise pendant 3 heures de temps. La majorité des humains ne sont pas capables. Ils parleront du coq, du cheval, de leur auto, du pneu, de la neige, de l'hiver, de la chaleur, et ils vont s'en aller comme ça de coq à l'âne. Parce qu'effectivement, les forces astrales, les mémoires de pensée qui manipulent l'humain, sont en cheminement. Ils vivent, ils se promènent. Et l'humain, ben, l'humain est comme une espèce de radio qui reçoit et qui fait juste émettre. C'est comme s'il y avait un vent de ce mémoire qui passe à travers nous, puis nous... Exactement. On parle, on agit. De temps en temps, on trouve, par exemple, que c'est une drôle de journée. Il y a une atmosphère pesante. T'sais, les enfants à l'école sont fous comme la marde. Dans les bureaux, ça marche mal. Il y a comme... voilà. C'est que le nuage astral présent dans cette localité est un nuage hautement satanique. Donc, Satan, l'atmosphère. Et l'humain se sent électrifié. Et puis, nécessairement, l'humain sent mal. À un moment donné, on a quelque chose d'autre. On dirait que ça se claire. Le vent, de toute façon, peut transporter ces nuages astraux, puis on dirait que les choses se placent. Mais effectivement, simplement, l'homme, dans sa tête, pense différemment, parce que les forces de pensée qui sont présentes dans sa localité sont changées. On ne pourrait pas avoir un gadget électronique pour... Il en existe. Ah oui? Il en existe. Par contre, ils ont des effets secondaires, comme ils sont cancérigènes. D'accord. Mais... Non, mais... Le fait de créer une structure matérielle pour arriver à se désassujettir du mensonge cosmique primordial, la pensée, est une aberration de la pensée de l'homme. Donc, ce sont les forces de pensée qui veulent manipuler l'humain à créer quelque chose pour manipuler la pensée. Et nécessairement, cela sera créé de façon à pouvoir confirmer la domination du mensonge cosmique sur l'homme. Prenons des exemples de pensée. C'est important qu'on parle un peu de ce phénomène de la pensée. Le nouveau va parler, ne pensera pas. Lorsqu'on me demande en question, « M. Kem, que pensez-vous de ceci ou de cela? » Je réponds que je ne pense pas. Alors, je ne connais pas les réponses avant de les dire. Je les connais le temps que je les dis. Et je les oublie après, parce que de toute façon, je n'ai pas besoin de les retenir. Si un jour j'ai encore besoin, je saurai encore. L'homme qui pense. Dans le langage conventionnel, parce que l'être humain est assujetti à deux forces motrices. Celle de la pensée, elle peut être subconsciente. Elle peut être superconsciente, elle peut être supraconsciente, elle peut être consciente, elle peut être inconsciente. Mais tout ça, c'est dans le même bagage, la foutaise. C'est à partir de la pensée que l'homme colore les intuitions instantanées amenées à lui par de l'intelligence. Bon, l'esprit seul. Alors, il y a chez l'homme un petit canal, qui n'est pas gros, juste suffisamment gros pour lui donner encore la conscience que même s'il est orgueilleux comme c'est possible, il ne peut pas faire autrement que de savoir qu'il n'est pas branché à la bonne place. J'ai déjà dit que chacun d'entre vous, vous saviez ce qui n'allait pas. Vous saviez quelles étaient les solutions à appliquer, mais l'être humain sait, sauf que dans sa pensée, il ne veut pas le savoir. Ça s'appelle comment, cette petite portion là, qui sait? Petite portion qui sait, c'est le contact avec l'intelligence instantanée qui habite l'humain, c'est-à-dire que c'est un contact entre lui et son ajusteur de pensée, parce que chaque être humain a un ajusteur de pensée dès sa naissance, un phénomène énergétique qui ajuste la pensée. La pensée, c'est pas grand-chose. Sauf qu'étant donné que l'homme n'a pas encore la faculté de parler, donc l'homme ne peut pas développer le verbe parce qu'il préfère penser, hein, lorsque l'on parle tout seul, on est fou. Parce que l'on pense tout seul, personne ne sait, donc on les connaît. Mais c'est la même chose. Parler tout seul ou penser tout seul, c'est la même chose. Sauf que parler tout seul, tu risques d'avoir des résultats que penser tout seul ne pourra pas te donner. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles, tu t'entends, et toutes les fois que tu dis une connerie, tu le sais. Lorsque tu penses, tu ne t'entends pas, et chaque fois que tu dis une connerie, tu y crois. C'est extrêmement simple. Une personne qui est chez elle et qui commence à parler pour régler un problème, bon, si elle se dit, bon, ben là, j'ai décidé que je sortais, ben je sors. Si elle le dit, il y a des fortes possibilités qu'elle sorte. Si elle s'ennuie et qu'elle dit, il faudrait bien que je sorte, elle dit ça dans sa tête, elle va le répéter longtemps, mais elle va rester assise sur derrière. À un moment donné, si quelqu'un téléphone et qu'elle l'oblige à parler, elle risque de dire, bon, ok, je m'en viens. C'est correct, elle vient de le signer dans la matière, elle le dit. Mais si elle ne fait que le penser, c'est pas la langue qui fourchue, c'est la tête, c'est l'esprit, c'est la pensée, pas l'esprit, mais l'âme. Alors donc, lorsque la personne parle, elle a la possibilité de s'écouter parler, ce qui fait qu'elle va être capable de pouvoir gérer ce qu'elle dit. Elle va être capable de découvrir qu'elle dit des conneries. Donc, elle va être capable, par l'écoute, par l'observation, elle va être capable de forcer le contact avec son ajusteur de pensée. Une mécanicité qui ne doit pas être personnifiée. C'est un peu comme si je vous dis que l'homme est capable d'être fatigué. Et lorsqu'il se repose, eh bien, il se ressource. Il peut aller voir un film, il peut aller dans la campagne, il peut manger et refaire le plein en énergie. Et ça, tout le monde le comprend. Mais est-ce que c'est nécessaire pour comprendre ce que veut dire faire le plein d'énergie, de savoir brancher une centrale de 220, faire le plein d'énergie comme l'homme de fer? Pas besoin. Lorsque je parle de l'ajusteur de pensée, ah ben là, on cherche une bébite à 8-9 pattes, quelque chose qui vient, qui plug, qui pique, extraterrestre, je sais pas, moins d'ange, 3 ailes. On cherche quelque chose. L'ajusteur de pensée, ce n'est pas monsieur l'ajusteur de pensée. Ce n'est pas madame, ce n'est pas rien de ça. C'est un mécanisme. L'ajusteur de pensée appartient à l'homme. C'est une mécanicité inhérente à l'homme. Cela fait partie de la construction subatomique, de sa structure atomique qui constitue les molécules qui vont constituer le schéma neuronique qui forme le cerveau. Et ça, c'est l'ajusteur de pensée. Sauf que l'ajusteur de pensée peut résonner avec une forme d'énergie un peu supérieure à celle de la mémoire, celle de l'âme, celle de l'astral, celle du ciel, celle du monde de la mort. Est-ce qu'il va toujours être présent? Il est présent chez l'homme à la naissance. Tous les humains de la planète en ont un, à l'instant où l'homme pense. Si l'homme ne pense pas, il n'a pas d'ajusteur de pensée. C'est inutile. Du moment qu'un humain pense, qu'il pense comme tu voudras qu'il pense, il a un ajusteur de pensée, sauf que l'ajusteur de pensée ne peut être mis en branle que par la parole. Donc l'homme se doit de parler. Mais il ne doit pas parler sans s'écouter. Parce que l'ajusteur de pensée ne va fonctionner que si l'humain s'écoute parler. Et c'est très important de comprendre le phénomène. Tu peux écrire. Lorsque l'humain écrit, il ne pense pas. Parce que ceux qui écrivent, d'écrire l'humain écrit, à penser, tu peux plus écrire. C'est ça, c'est sûr que l'humain écrit, ça pense plus vite que l'écrit, donc c'est fait. Ou bien ça pense trop lentement, c'est fait aussi. C'est sûr que j'ai composé des chansons. est nécessairement assujetti à l'ajusteur de pensée, donc il n'est pas colorable. Le seul problème qu'il y a, c'est que si l'être humain est trop égo, et d'ailleurs la solution à l'évolution de l'âme, c'est la négoïsation, ayez plus d'égo, puis tout est parfait. Si l'homme a trop d'égo, il observe et il découvre que ce qu'il vient de dire n'est pas correct, n'est pas juste. Et en même temps, il enseigne jouissance. Et là, il se déconnecte de l'ajusteur de pensée pour se connecter à l'ego, à la mémoire de l'ajusteur de pensée. Et là, il se dit, hey, là, il va ajuster avec sa mémoire et il va conserver de la puissance, puis il va lentement transmuer en pouvoir pour finalement finir par pourrir, comme beaucoup de maîtres sont pourris. Lorsque l'être humain part, il a la faculté, s'il apprend à parler de façon juste. Et qu'est-ce que c'est que parler d'une façon juste? C'est mettre le mot qui devrait sous-tendre l'énergie que nous voulons communiquer. Vous voyez quelque chose arriver, puis vous dites, « Hey, c'est drôle, hein? » Fait que votre voisin, si c'est un gars qui est son seul maître, il va dire, « C'est drôle, oui, ha, ha, ha, ha! » Fait que tu dis, « Ben non, arrête de rire, crime, il s'est arraché la tête. » Alors, il a dit, « C'est drôle. » Ah oui, mais c'est bien ce que je voulais dire. Tu voulais dire bizarre, peut-être. Ou tu voulais dire atroce, ou tu voulais dire, mettez donc le mot. Et l'homme va dire, parce que l'homme pense dans sa tête, que oui, mais c'est une façon de parler. C'est ça le mensonge cosmique. Tu parles comme tu penses pour l'instant. Et tu penses que tu penses, mais en réalité, tu es assujetti à des mécanismes personnalisés réincarnatifs, à des mémoires éducatrices, à des mémoires nationales ou sociales. Tu es assujetti à des contingents de mémoires qui, dans ta tête, viennent s'exprimer sous forme de pensée, en mettant le mot « je » ou « moi » de temps en temps, de façon à bien convertir l'identité dans laquelle elles s'investissent, l'homme, que c'est l'homme qui pense. Mais pourquoi on appelle ça cosmique? Parce que c'est drôle. Ça fait, on pourrait dire le mensonge comique. C'est ça. Non, mais farce à part. Le mensonge cosmique pour la simple raison que présentement, tout le cosmos est manipulé par cette force qu'est la pensée. Et lorsque nous parlons de l'homme, présentement, ce qui régit l'évolution de l'homme, donc les forces qui proviennent de l'extraterrestrialité de notre planète, les forces cosmiques, sont celles qui engendrent, sous-tendent, entretiennent et ont créé le mensonge cosmique. C'est-à-dire qu'on pense à l'extérieur de la Terre? Oh oui! Qui ça? Personne. Qu'est-ce que c'est que l'homme? On veut toujours personnifier une chose, mais ne se personnifie pas. Qui êtes-vous? Vous êtes moi. Ben, on répond, ben, moi. Oui, mais est-ce qu'il y en a un ici qui sait qui il est? Il n'y en a pas un qui sait qui il est. Si vous faites abstraction de vos mémoires, vous ne savez pas qui vous êtes. Ben, moi, je suis un mécanicien. Non, oublie tes mémoires. Alors, bon, ben, moi, je suis mon réel. J'oublie. Qui es-tu maintenant sans mémoire? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que. On parle, on entend. Ouais, mais qui es-tu? Moi, c'est pas. Fais de la recherche. Lorsqu'une personne a suffisamment d'orgueil pour venir dire maintenant, j'ai appris à me connaître. Ouais, change au millième de seconde. Tout ce que tu as appris à connaître, oublie-les. C'est ce que tu étais, c'est pas ce que tu es. Maintenant, je me connais. Mais ça rassure. L'illusion. Mais ça rassure, hein? Ah ouais, ça rassure. C'est évident que ça rassure. Pour une minute. Ça rassure et ça rassoit. L'humain vient pour se lever, là, puis on dit, « Hey, t'es fort, t'es presque debout. » Tabarnouche, hey, j'étais presque debout. Reste au bout. Ça, je suis bien meilleur que je pensais. Ça, et l'homme peut tout. Oh, ouais, là, tu deviens prêcheur, tu deviens maître, tu deviens gourou. Un jour, j'ai fait ceci. Alors, c'est la preuve que je ne le fais plus. Mais ça, tu ne le dis pas, parce que pas parole juste. Sinon, tu t'instruirais en maudit. Il n'y a rien d'important sur la planète Terre. Il y a juste des choses utiles. Alors, un jour, tu as faim, tu prends un arc, tu tires une flèche, tu tires un chevreuil, tu manges un chevreuil, c'est fini, là. Mais l'humain va dire, tabarnouche, hey, c'est-tu... merci Dieu d'avoir mis un chevreuil devant ma flèche. Voyons donc, oublie. Oublie. Non, l'homme n'oublie pas. L'homme est convaincu que sa mémoire, c'est lui. Il est mort, mais il restera toujours vivant dans la mémoire. C'est ça, continuer à faire souffrir, même après ça. On recherche l'homme, dans son expression, on recherche toujours à savoir d'où il vient. Pourquoi? Oui, j'ai lu tout à l'heure dans le journal PMC. Pourquoi? Le journal de communication. C'est ça. Trois questions philosophiques. D'où je viens? Où je vais? Qui fait me seul? C'est trois questions fondamentales. Ça n'est pas des vérités des philosophies. Mais ce mensonge cosmique, il s'arrête. Avant de parler de l'utilité du mensonge cosmique, continuons à en parler. Parce que c'est très intéressant ce que tu me poses comme question. Ça prouve que tu penses. Non, mais c'est un fait. Ce n'est pas grave, l'homme pense. Sauf... travaillons sur le mensonge cosmique, et ça en devient presque une discussion de salon. Et puis là, ben, pour pas trop aller loin, maintenant, à quoi il sert? C'est-à-dire, libérons-en ou pas, sachons à quoi il sert. Disons que présentement, dans ton cas, il ne sert plus à rien, alors c'est temps d'essayer de penser. Et dans le cas de la majorité des humains, il ne sert plus à rien. Je parle des humains québécois, entre autres. Il ne sert plus à rien. Il est toujours là. Il ne sert plus à rien. C'est pas la béquille, hein, qui va dire au gars ou à la fille que sa jambe est guérie. La béquille, elle ne dira pas. C'est à la personne. On s'en rend compte. Mais elle va s'en rendre compte comment? En ôtant la béquille. J'ai connu des personnes qui se disaient âgées et qui marchaient avec une canne. Et puis, bien souvent, la canne, ils n'en ont pas besoin. Alors, je leur demande, pourquoi vous promenez encore avec la canne? Je n'ai pas besoin. Oh oui, mais d'un coup, j'aurais une faiblesse. C'est ça. Je devrais la faire greffer, la canne. Tu ne pourras pas l'oublier, comme ça serait greffé par ta main. Ne relonge pas de ta main, parce qu'en fin de compte, c'est ce que tu as besoin. Au cas où tu aurais une faiblesse, tu tiendras après un garde-fou, après des briques, il y a plein de cochons qui n'ont pas de canne. Puis ils disent non, des faiblesses. Mais si tu pars convaincu qu'il te faut toujours ta cacane au cas, franchement, t'es loin de t'en sortir. Le mensonge cosmique, il y a donc le fait que l'homme le pense, qu'il pense. C'est le mensonge cosmique. La vérité est une finalité, une recherche. Mensonge cosmique, c'est faux. La paix et l'amour sont des finalités. C'est faux. C'est plus agréable d'évoluer en paix. Mais la paix n'est pas un but. C'est un outil. Il manque d'amour sur la planète. C'est faux, il y en a trop. Ça fait partie du mensonge cosmique. Il y a trop d'un certain type d'amour, ou de tous les types d'amour. Il y a trop de tous les types d'amour. Mais l'humain continue à rechercher l'amour et il l'oblige aux autres. Ce qui engendre évidemment les problèmes. Tu parles de l'amour humain? Ben évidemment, je parle de l'amour humain, je ne parle pas de l'amour intelligent. Je parle de l'amour humain. Tu aimes ton enfant à un point tel que tu veux pas qu'il s'en aille de chez vous. Alors dis-moi pas qu'il manque d'amour. Tu aimes les témoins de Jéhovah tellement que tu veux les convertir. Bon, il manque pas d'amour. Tu aimes la fille, tu crois en arriver à un point tel que tu as un viol. Il manque pas d'amour. Et où c'est qu'il manque d'amour sur la planète Terre? Il manque pas d'amour. Il y en a trop. Trop d'amour humain, trop d'amour sélectif, trop d'amour émotif, trop de l'ombre de l'amour. Et l'amour intelligent, elle est là, sauf que l'humain ne s'en sert pas. L'humain préfère vivre au niveau de l'amour émotif, un amour mémoriel qui est là, qui est construit depuis des milliers d'années, depuis quelques milliards d'années même. Et puis l'humain se sert de ce genre d'amour. Parce qu'il est mémoriellement sujetti à la pensée qui lui dit que c'est son amour. Si t'aimes quelque chose, c'est normal que t'en souffres si la chose s'en va. Et c'est l'amour. Félicitations. Moi, j'aime autant pas aimer. Si t'aimes quelque chose, c'est normal que tu sois jaloux. C'est beau l'amour. Si t'aimes quelque chose, c'est normal que tu fasses tout pour empêcher la personne que t'aimes de faire des conneries. Même si pour elle, les conneries sont son salut. C'est ça l'amour. Si tu rentres des témoins de Jéhovah, c'est normal que tes enfants rentrent avec toi. Battent s'il le faut. Tu les aimes. Puis tes enfants, ben, s'ils t'aiment, ils vont suivre. Même si c'est pour ça vous qui perdent leur personnalité, leur individualité, leur identité, ou même vous qui meurent. C'est ça l'amour. Mais là, tu parles d'identité, tu parles d'individualité. Tout à l'heure, on parlait de qui on est. Ben oui, qui on est. On est rien. On n'est pas rien. Ah. J'ai dit que l'être humain ne pouvait pas savoir ce qu'il était. L'être humain ne pouvait savoir que ce qu'il pensait avoir été. Et ce qu'il pensait avoir été est entaché des colorations de sa pensée. Donc, en partant l'humain, se fait encore avoir par le mensonge cosmique. La pensée, mensonge cosmique. Il y a d'autres mensonges cosmiques. Celui, par exemple, qui dit que l'homme doit être sauvé, c'est un mensonge cosmique. L'homme ne doit pas être sauvé. L'homme doit sauver. Sauver ou se sauver? Ben, se sauver peut être pris dans deux sens. L'humanité passe son temps à se sauver. Bon. Elle se sauve devant les problèmes et elle recherche un avatar, un Christos, un personnage qui va venir les sauver. Quelqu'un qui va faire le chemin pour eux. Oui, alors il y en a un qui est passé à un moment donné, ben, un parmi tant d'autres. Et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Il a récupéré son faisceau d'énergie, supporté le poids de ses humanités réincarnationnelles, et il a sacré son camp, laissant le reste de l'humanité ici, bien d'admiration, à attendre qu'il vienne les sauver. Ça fait de presque 2000 ans, ça. Ben oui, c'est ça. Alors l'humain attend toujours, tu sais. Lorsque le Nazaréen passait, le salut était proche. Il a dit ça aux autres. Mais je pense pas qu'à l'époque, les Hébreux pensaient que proche voulait dire 2-3 000 ans. J'appelle ça loin. Et non. Pour la simple raison que ceux qui avaient à se sauver à cette époque ont été sauvés. Et tous les autres sont encore ici. Ont été sauvés de quoi? D'eux-mêmes. C'est-à-dire de la pensée, du mensonge cosmique, de l'illusion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que se sauver? Sauver, c'est un terme... C'est un terme qui est absolument inadéquat. Non, c'est un terme qui provient de la pensée émotive théologique de l'homme, un terme qui provient de l'explication émotive des phénomènes cosmiques de l'évolution. Se sauver, on ne peut pas se sauver, c'est comme de demander à une chenille, sauve-toi, deviens un papillon. Ben, une fois qu'elle devient papillon, elle décolle, elle se bouffe par un oiseau. Ben, qu'en fin de compte, sauver, faut, hein? Bon. Alors, se sauver ne veut pas dire sacrer son camp. Dans le terme cosmique, si on peut te donner une définition au terme sauvé. L'homme doit accumuler de l'énergie. Il accumule cette énergie de façon à réchauffer son corps, donc de façon à augmenter son potentiel énergétique. Augmentant son potentiel énergétique, il induit dans son corps d'autres phénomènes énergétiques qui porteront un nom ésotérique de d'autres corps. Corps vital, corps astral, corps mental, corps supramental, corps bouddhique, corps divin. Présentement, l'humain est en train de, est au niveau de la construction de son corps supramental. Mais ce ne sont pas des corps comme nous les connaissons, mais c'est un terme, disons, qui permet à la pensée de comprendre. Ou faire semblant de comprendre. Alors donc, l'homme accumule cette énergie pour pouvoir devenir un réceptacle qui sera suffisamment matériel, donc atomique, matérialisé dans le temps et dans l'espace, donc cristallisé, densifié, et à travers cette densification, ce véhicule pourra supporter d'autres plans, d'autres dimensions nouvelles, des dimensions qui seront de moins en moins densifiées, des dimensions qui vont aller jusqu'à une expansion de conscience, une dimension la dimension supramentale, une dimension qui ne sera presque pas régie par le temps et l'espace. Et donc, à partir de ce moment donné, l'homme devra faire référence, lorsqu'il aura commencé sa fusion, ou disons qu'il aura suffisamment avancé la fusion avec son dôme éthérique, et ça on va voir ça très prochainement je crois, dans deux semaines, la fusion avec le dôme. Lorsque l'homme a suffisamment avancé la fusion avec son dôme éthérique, il peut entrer en contact avec ce que moi j'appelle la supra-énergie, c'est-à-dire quelque chose qui a engendré l'énergie, quelque chose qui n'est pas existentiel, qui est actuel, qui n'a pas besoin du temps et de l'espace, qui ne fait pas partie de cette création, qui ne fait pas partie de ce que l'homme appelle Dieu, mais qui a engendré la création, qui a engendré l'énergie, qui a engendré l'événement créationnel, qui a engendré les dieux, enfin Dieu, le Dieu que nous connaissons, et qui a engendré les dieux subséquents que l'homme a inventés, et qui a engendré toute la phénoménologie de l'évolution. Il y a des hiérarchies dans le monde. On a parlé de la souffrance de l'homme, l'intelligence de la souffrance, qui servait à créer un nuage protégeant le plan planétaire pour que les hiérarchies extraterrestres et les hiérarchies cosmiques ne puissent pas savoir ce qui se passe sur le plan planétaire, parce que l'homme est un être en évolution, et lorsque l'être humain est en évolution, il se fait nécessairement allurer par des mensonges cosmiques, dont le premier est la pensée. C'est-à-dire que la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est une espèce de tampon énergétique qui entre dans l'homme et qui peut arriver à survivre dans l'homme, à animer l'homme, à faire bouger l'homme, et ce mensonge cosmique qui est la pensée provient des plans manipulatifs extraterrestres, donc extracélestes, donc de ces hiérarchies cosmiques. Et les hiérarchies sont les phénomènes archangéliques, les phénomènes divins. Et il y a des phénomènes melchisédiens, quelques-uns, et des phénomènes noraltédiens. Il y a un paquet de phénomènes, tout le monde, qui viennent manipuler l'humain, ce n'est pas long. Et lorsque ces phénomènes qu'on appelle les extraterrestres de temps en temps, hein, ces phénomènes, ils recherchent quelque part dans cette maudite création un véhicule matériel qui contient suffisamment d'énergie vitale, astrale, mentale pour pouvoir les recevoir, eux. Il faut savoir de prime abord que tout dans la création, à part l'homme, est en phase d'involution, donc en phase de refroidissement. Et il n'y a que l'homme qui, il y a 4,5 milliards d'années, s'est refroidi à 1.0 et maintenant est en phase de réchauffement, en phase d'ascension, appelée évolution. Étant donné que l'homme est en phase d'ascension, dans cette création, toutes les hiérarchies, c'est-à-dire toutes les énergies qui ne sont pas au niveau de l'homme, qui sont supérieures présentement à l'homme, mais qui sont en voie de devenir de la vase, donc en voie de devenir comme l'homme et de devenir comme l'homme a été, donc en voie de devenir les esclaves de l'homme. Et la création au complet est en voie de devenir les esclaves de l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi ce que nous appelons Dieu, c'est restant à l'homme, parce que le support de Dieu, lorsque Dieu sera prêt de s'échouer, sera l'homme qui monte. Lorsque ces hiérarchies fouillent l'univers à la recherche de ce support matériel, s'ils le découvriraient, ils viendraient se juxtaposer immédiatement dessus par la mécanicité de la pensée, donc ils diraient à l'homme, « Hey, bonhomme, je suis Dieu, et maintenant tu es Dieu, alors maintenant nous sommes Dieu, donc maintenant tu peux penser, je suis Dieu. » De plein sa planète. Il y en a encore un dernièrement là, qui vient de se lever, qui est le Fils de Dieu, ou qui est le Dieu, qui est le bon Fils de l'homme. Alors, exactement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des hiérarchies qui se promènent, et puis, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a quelqu'un sur la planète Terre qui est en voie d'évolution, et qui est suffisamment avancé pour ne pas trop rétrograder, et l'énergie qui descend, au lieu de passer à côté pour devenir de la Terre et recommencer son évolution, par le biais de la pensée, arrive à se connecter à l'homme si l'homme l'accepte. Et l'homme, dans son orgueil, évidemment, l'homme accepte tout ce qui est apparemment est supérieur à lui. Donc, c'est tout barouille d'enthousiasme, hein, accepte tout de suite. Or, ça vient se connecter par le biais de la pensée. Celui qui ne pense pas ne peut pas être assujetti par aucune forme de hiérarchie, qu'elle soit satanique, luciférienne, belzébucienne, tellurienne, diabolique. Et celui qui ne pense pas et qui a un plan mental, et donc l'homme devait penser pour cela, celui qui ne pense pas ne peut pas être assujetti à aucune forme de hiérarchie, donc il est son seul maître. Il est son seul maître et de cette façon, il augmentera ses plans énergétiques. Et à un moment donné, il entrera en contact avec son propre esprit, qui est une représentation, disons, de lui, dans le plan supramental, ce qu'on appelle aussi le dôme éthérique. Et lorsque cela est fait, il va se fusionner avec, de façon à, de cette pluripersonnalité qu'est l'homme planétaire, créer une seule personnalité avec un corps éthérique, un corps de lumière, ce que Nazarien a fait quelques heures après sa disparition, enfin, ce qu'on appelle la mort sur la croix. Et lorsque cela est fait, l'homme va simplement entrer en contact avec cette supra-énergie au-delà de l'espace-temps, sans entrer en contact avec ce que l'ésotérisme et la religion promet depuis longtemps, sans entrer en contact avec les plans bouddhiques et les plans divins, qui sont des hiérarchies, qui sont descendantes, involutives, et dont l'homme n'a pas besoin. La pensée, elle sert, elle permet aux forces hiérarchiques extraplanétaires ainsi que célestes de pouvoir manipuler un véhicule, l'homme. Elle sert en même temps à l'intelligence supramentale, par le biais des décolorations astrales et de la pensée, à manipuler un corps qui servira de véhicule. Et alors, par ce biais de la pensée, l'intelligence supramentale peut permettre à un homme de vivre des expériences qui pourront, dans son âme, créer une condition événementielle et expérientielle, qui pourra engendrer un ego plus puissant, qui pourra engendrer un mental plus puissant, et qui pourra obliger l'ajusteur de pensée à entrer en fonction par la parole et par l'observation de la parole, et qui finalement pourra permettre à l'esprit, autre en supplantant la pensée, d'entrer en contact avec l'homme par la parole, ce que nous appelons un être humain suffisamment transitif, et lorsque la parole est ajustée et qu'il a le verbe, et qu'il n'a plus de pensée, donc qu'il n'a plus d'ego, c'est un homme nouveau, une femme nouvelle ou un enfant nouveau. Mais tous ces plans extraterrestres, ils n'ont pas d'intention. Alors, comment peuvent-ils choisir ou choisissent-ils un élément là, sur la Terre? Ils n'ont pas d'intention. C'est pas une question d'attraction, d'énergie. C'est une question de condition. Lorsque le Nazaréen décolle sur la croix et dit « Père, parle au Père dans les cieux, pas au Père dans le ciel », parce que ça, il y avait, bon, plus longtemps. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en réalité, il parlait à un Père inférieur à lui, parce qu'il devait dire au Père de pardonner, parce que le Père le savait pas. Donc, il parlait à la partie la plus évoluée de son ego, parce que le Nazaréen a eu cette souffrance sur la croix, parce qu'il avait encore un peu d'ego. Et il l'a perdu là. On appelle ça la descente aux enfers. Alors donc, pardonne-leur, c'est-à-dire qu'organise-toi le beau cœur pour qu'une fois rendu dans le monde de la mort, que tu n'aies pas un souvenir haineux du monde de la vie, de façon à ne pas rester attaché au monde de la mort par le désir ou par n'importe quel lien émotif ou affectif avec le monde de la vie. Alors donc, avant de mourir, et il le prononce, c'est évident que ce n'est pas en le pensant, c'est en le parlant. Alors pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui sait ce qu'il fait? Les hiérarchies ne savent pas non plus ce qu'ils font. Alors une hiérarchie, ils recherchent dans les plans cosmiques quelque chose. Lorsqu'elle vient sur le plan planétaire, elle voit dans l'astral ces mémoires de souffrance atroces que l'humanité a connues, et elle se dit « Merde, c'est pas sur une planète comme ça que ça évolue. » Alors elle s'en va. Ça, c'est la raison de la souffrance sur la planète Terre. L'homme nouveau, lui, va aller au dispêt. Le ciel, alors il n'aura plus besoin de souffrir, et il va créer simplement un mode d'instruction qui instruiront les hiérarchies que c'est pas là que ça se passe. Le laisser en paix. Tant que l'humain ne peut pas, l'intelligence supra-énergétique vient créer ce monde de souffrance pour permettre une déviation au niveau des recherches des hiérarchies cosmiques. Lorsqu'une hiérarchie s'approche du plan terrestre, elle arrive à le traverser, traversant le monde de la mort, donc ce ciel, ce purgatoire, les phases purgatorielles ainsi que l'enfer, lorsqu'elle arrive proche de notre planète, eh bien, elle est tellement décolorée, tellement démantibulée, qu'elle apparaît dans la tête d'un homme, dans sa pensée, sur le toit, sous forme d'un extraterrestre, sous forme d'un maître, sous forme d'un dieu, sous forme d'un ange, sous forme de quelque chose, qui aime l'homme, qui veut l'aider, qui veut le sauver, bref, qui... Elle descend et elle devient nécessairement archétypée selon les messages qui ont été donnés aux archétypes cosmiques primordiaux, c'est-à-dire que n'importe quelle forme d'intelligence traverse le plan terrestre, s'il n'a pas été appelé par un canal d'énergie vitale créé par un humain qui est un ajusteur de pensée qui entre en contact avec les plans supramentaux, si l'énergie traverse, elle est réfractionnaire premièrement au gaz inerte, donc à l'hélium, au néon, à l'argon, au krypton et au xénon. Elle va devenir de l'énergie supramentale dans l'astral. Elle va lentement être assimilée par l'oxygène et le carbone, parce que ces molécules, l'oxygène, le phénomène O2, ont un nombre de formes très particulier qui leur permettent de mémoriser de l'énergie supramentale, mais d'une façon extrêmement colorée. Et c'est pourquoi, à un moment donné, lorsque ces molécules vont se promener, carbone, azote et oxygène, entre autres, ils vont supporter une coloration extrêmement dense, basse, d'énergie supramentale, et c'est pourquoi lorsqu'un être humain finit par avoir une idée, il va dire « j'ai eu une inspiration », c'est-à-dire qu'il a inspiré effectivement de l'air. Hein? Il y a énormément de personnes qui, au contact de certains maîtres, au contact de ceux-ci, se sentent mieux. Ben, c'est normal, ils respirent le même air que lui. Bon, alors il y a donc cette transmission. Au téléphone, c'est dur de vendre. Pourtant, chez la personne, tu vas être capable de lui vendre. Ben, c'est normal, c'est pas bien long qu'après quelques minutes, la maison, eh ben, tu veux dire, il y a des molécules d'oxygène et de carbone qui ressortent de tes poumons. Si tu es un vendeur, la résonance astrale à l'intérieur de cela va être communiquée à l'autre, et lentement, tu vas permettre à l'autre de l'amener à penser comme toi, donc on appelle ça convaincre. C'est un moyen. Les forces, lorsqu'une force s'approche du plan planétaire, elle est donc tout à fait décolorée, sauf si l'homme a créé un kamal qui lui permet de présenter le nez à l'extérieur de ce ciel, donc dans les cieux, et l'intelligence supramentale, donc la faculté à ce moment donné, de pouvoir venir toucher l'humain. Et normalement, c'est ce qu'on appelle un contact avec son esprit, son propre esprit. Et de cette façon-là, on y va sans la pensée. Par contre, pour y arriver, pour créer ce canal, l'homme doit parler. Le mensonge cosmique, il existe jusqu'à quel niveau au niveau de la hiérarchie? Parce que s'il y a des hiérarchies extraterrestres... La création, c'est un mensonge. Les hiérarchies cosmiques sont tout fait fourrées, comme l'homme. Les grands maîtres savent pas ce qu'ils font non plus, ça fait savoir. Il y a quelques grands personnages qui savent un peu ce qu'ils font. Ils font rien non plus. Et tous ceux qui sont en action pour autrui, pour ceux qui ne travaillent pas pour eux, ceux qui disent ne pas travailler pour eux, tous ceux qui ne sont pas conscients qu'ils travaillent pour eux, sont assujettis au mensonge cosmique. Moi, je sais que je travaille que pour moi. Ça a un effet, c'est évident. Mais je ne suis pas un sauveur d'humanité, je ne suis pas un prêcheur, je ne suis rien d'autre. Je parle. Pour les mêmes raisons que j'explique ici, la parole permet l'ajustement de la pensée, permet le désajustement de la pensée, permet la création des canaux, donc permet le contact avec son double éthérique, permet le contact avec son esprit, permet donc le contact avec l'intelligence instantanée, et évidemment est un des phénomènes de la fusion, donc permet à l'homme de se fusionner avec lui-même, donc avec son esprit, ce qui, par la parole, lui amène suffisamment d'énergie vibratoire pour pouvoir confirmer dans la matière sa fusion. Et à un moment donné, il devient quelque chose d'autre qu'un être humain. Il devient ce que l'humain appelle un Dieu, il devient ce que l'humain appelle un surhomme, il devient ce que l'humain appelle quelque chose. Et ça, tout le monde va y arriver. La seule affaire qu'il y a, c'est que l'homme doit commencer par cesser de penser. Mais regarde, participation, tu sais, c'est beau d'y penser, mais fais-le, c'est mieux. Mais c'est en plein ça. L'homme peut penser, et on pense, les Russes pensent à la paix, c'est pas? Et les Américains pensent à la paix. Mais pendant qu'ils pensent, ils préparent la guerre. Parce qu'ils ne parlent pas. Lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'on a des réunions au sommet, c'est des réunions qui ont été pensées plusieurs mois d'avance par une gang de cons qui viennent dire au président ce qu'il doit dire comme connerie. Et c'est la même chose de l'autre côté. Et tout le monde a bien pensé, c'est comme un peu comme une partie d'échecs, et puis là, on vient se placer. Là, on amène une chose, l'autre, il amène ça, on réplique avec ça. C'est pas d'instantanéité. Non, c'est trop dangereux. Oui, parce qu'on fait pas confiance à l'esprit, on fait pas confiance à l'intelligence instantanée, on fait même pas confiance à l'homme, on fait confiance aux mémoires. Si le mensonge cosmique existe, il doit être nécessaire. C'est quoi, tu vois, qui est nécessaire? Mais alors, pourquoi? À quoi il sert? Tu rappliques. Bien. C'était pas de mémoire, c'est lui qui te manipule, nul. Bon. À quoi sert le mensonge cosmique? On revient avec les explications que j'ai souvent données. À un moment donné, il faudra que c'était complet. L'intelligence, ça ne peut pas accepter la stupidité. L'intelligence, ça ne peut pas accepter les choses inconséquentielles, sans logistique, sans but, sans raison d'être. Comme le disait Albert Einstein, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. L'intelligence, lorsque l'intelligence se présente dans un contexte où l'énergie qui constitue l'intelligence doit de baisser sa vibration jusqu'à devenir quelque chose qui va oublier sa propre nature. Mais lorsque l'intelligence voit cela, elle n'accepte pas. Alors, l'intelligence s'en va quelque part dans notre création, et lorsqu'elle approche d'une région extrêmement éloignée, d'une galaxie qui porte le nom de Voie lactée dans le langage de l'homme, lorsqu'elle s'approche des systèmes solaires, le nôtre, et lorsqu'elle pénètre le monde de la mort d'une planète appelée Terre, dans le langage de l'homme, l'intelligence, lorsqu'elle pénètre là, elle baisse en vibration subitement, à un point tel qu'elle en souffre. Alors, elle se retourne pour sa boue, pouvoir voir d'où elle vient, et ce qu'elle voit, c'est l'archétype cosmique. Elle voit maintenant le palier du ciel, elle voit donc le mensonge cosmique. C'est-à-dire qu'elle voit que tout est correct. Elle voit qu'elle ne voit plus non plus aussi. Elle ne voit pas qu'elle ne voit plus. Elle voit qu'elle voit, mais elle ne sait plus que ce qu'elle voit est un mensonge. Donc, elle ne voit plus, mais ça, elle ne le sait pas. C'est le mensonge cosmique. Alors, l'énergie, une fois qu'elle a traversé le monde de la mort, elle perçoit bien qu'il s'est passé quelque chose. Et puis là, elle regarde en haut, puis on lui dit, « Je t'ai créé. Je suis le Dieu créateur. Je suis ton père. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ta-ta-ta-ta. Ferme ta gueule. Mes voix sont impénétrables. Va dans sa planète. Crée, procrée, rit, souffre, meurt. Mange, pas toi. Et puis tu as le liberté. Fais ce que tu te donnes le choix de faire le bien ou le mal. Si tu fais le mal, je te tue. Si tu fais le bien, je donne un bain. Le choix. » À travers cela, ben là, notre énergie, ben, elle finit par faire référence, elle a perdu l'intelligence instantanée, et elle fait référence aux archétypes qui lui disent de rester là. Et elle baisse en vibration, jusqu'à ce qu'elle devienne de la mémoire morte, donc de la base, de la poussière. Et une fois que cela est fait, elle s'accumule elle-même sur elle-même, elle accumule de l'énergie, et là, l'humain commence à naître. Et tant que l'homme n'a pas suffisamment de solidité énergétique dans le plan de la matière pour ne pas refuser d'être sur la Terre, il reste assujetti au mensonge cosmique. Parce que l'homme finit par se dire, si un jour je vois tout, si je suis prêt à accepter quand même de rester dans la merde, justement comme si vous seriez capable de dire, si un jour je suis capable de traverser les murs, de voler, de me téléporter et de faire bouger les objets à distance et de guérir, mais que je sache en même temps que je ne peux pas m'en servir avant 15 ans, et bien malgré que je sois capable, jamais je ne m'en servirai avant 15 ans, alors nécessairement l'humain est libéré tout de suite. Sauf qu'il n'y a pas un homme qui est suffisamment égoïsé pour qu'on lui donne de la puissance en lui disant d'être différé. Non. S'il a la puissance, il va se dire, oui, non, si je l'ai tout de suite, c'est pas pour m'en servir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse assujetti au mensonge cosmique, puis on lui donne pas tout de suite, c'est pas le temps. Mais c'est qui ça, on lui donne pas tout de suite? Parfait, on revient au début de la deuxième partie avec ce on. Vous avez des questions, on les écrit sur papier. On les amène ici après, on peut prendre une pause en bas. Merci beaucoup, Daniel.